Allô, allô, c'est moi. Allô, c'est moi. Hello, it's me. Hello, it's me. Non. Ah putain, vous connaissez pas Adèle? Putain, ça passe partout, sur toutes les radios et tout. Putain, là, t'as la fait, je sais pas combien de. Ça, elle vend des albums, des disques, et elle se fait plein d'argent, elle est riche, milliers, millions. Et... Même moi, tu vois, même lui, il a entendu ça, c'est obligé, vous écoutez pas la radio le matin dans votre bagnole, j'en sais rien. Moi, je la joue en acoustique. Hello, it's me. Thank you. cabane au fond du jardin. Elle est vraiment belle, tu sais. C'est une belle cabane. J'ai invité Francis, mais il ne veut pas venir. Francis Cabrel, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi j'ai coincé? J'ai vu plein de cailloux. On va faire un peu plus de sortir. Ma cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'en ai besoin. C'est un charmant petit trou. Entouré de cailloux. Oh putain, con. C'est ma cabane au fond du jardin. Oh oh. Ma cabane au fond du jardin. Ah, mais voilà. 1, 2, 3. Allô. 1, 2. Input mono. Oh, ça sort d'un coup. Je préfère la version de Laurent Girard. Pas de problème, je te la fais. Je connais pas les accords. Si tu peux me trouver les accords, ça serait simple. Oh Francis, il a mené le batteur. Ma cabane au fond du jardin. Putain, c'est malin quoi. Je me rappelle plus les accords. Je me rappelle plus les accords de cette belle chanson de Francis Cabrel. Je pense que je pourrais la trouver facilement. Suffit de chercher. Francis Cabrel. Ça sent la funky. Ça sent la funky. Give me the fun. Oh, give me the fun. Give me the fun. Yeah. Oh. Thank you. vous savez, là où j'habite, il y a un circuit qui s'appelle le circuit de charade. Et il y a eu une course avec des Twingo. Des Twingo, les mecs, sur le circuit de charade. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le circuit de charade. Charal, ouais. C'est un circuit où tu peux manger de la bonne viande. Chanter là-dessus. Un camarade au fond du jardin, moi j'y vais quand j'en ai besoin. Yeah. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. J'essaye d'adapter ma cabane au fond du jardin, mais dans un style. Non, mais je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas acheter mes amplis, ils veulent que je vende ton Kangoo. Non, mais je pense que tu vas pas être d'accord. Ils veulent que je vende ton Kangoo. Ma femme, elle veut pas. Putain, vous allez énerver ma femme. Le Mercedes. Le Merco. Dans ton Benz, Benz, Benz. Yo. Oh, Mercedes. Benji. Ta femme, c'est la mienne. Pourquoi? Ça va pas jouer en ta faveur, ça. J'ai pas bien compris. Pourquoi ma femme, c'est la tienne? Ah que non, je crois que ma femme, c'est Natatia, c'est la mienne. Hein. C'est moi qui l'ai choisi, la Natatia. Et... Ah que c'est la mienne. Kangoo. Un kangourou aussi? Allez, c'est très bonne voiture, le kangourou, sauf qu'avec moi, il tombe en panne. Ça pense, c'est un peu la 4L. Hein. C'est la 4L. Bon, moi j'ai envie de vous mettre une petite chanson. Je peux. Bonsoir, c'est votre ami Francis Cabrel. Pointe des armes, des dames, des chemins, des cailloux. C'est vrai que j'aime les cailloux, les pierres, les rochers, les galets, le sable, les roches, les cailloux. Les cailloux. Je suis un chanteur minéral. J'ai dû avoir des calculs dans les reins pour aimer autant les cailloux. Et j'allais dans un endroit que vous connaissez bien, c'est... La cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui frelonnent. Il n'y a pas de tout à l'égout. Ma cabane au fond du jardin. Ma cabane au fond du jardin. Mais j'en ai besoin. Charmant petit trou. Je sais pas ce que c'est les accords qui font. En plus, c'est joli ce qu'il a fait. Bonsoir, c'est votre ami François au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant. Mais c'est un charmant petit coin. Ma cabane.